le peine au second degré. La terre de nos aînés n'est plus vraiment si belle ces 100 dernières années. On peut pas m'en vouloir, je n'étais pas né. Je n'aurais voulu voir toutes ces atrocités. Ça devient encore pire, il est grand temps d'agir. Et tous à l'unisson, la révolution. Les chansons dans la rue, unis par la misère. Les soldats tirent à but comme en temps de guerre. Mon corps est tombé, les perlons